Donne-moi puissance et gloire, qu'elle vienne de la lumière ou du noir. Donne-moi force et pouvoir et prends tout ce que tu peux avoir. Amen. J'en appelle. Amen.